Vous êtes prêts, vous êtes radis? Quand tu veux. Attention. Roger radis. Première question. Qui a produit Howard the Duck? Spielberg. Tac. George Lucas. Marvel. Oui. Bonne réponse de Jacques. C'était pas un Marvel raté, c'était pas si, ça. Si. Si. Moi j'ai levé la main pour le dire. Ouais, mais là c'est chacun pour sa pomme. Là c'est vraiment. Mais non, pas à la fin des Gardiens de la Galaxie. Là faut se battre. Exactement. Vas-y, prenez tous les petits bâtons. Et qui c'est qui fait sa voix? C'est Seth Green, le mec qui a fait Robot Chicken. Ah, c'est à moi. Oh putain. Bon, ça va être le quiz de la lenteur. Ben non. Combien d'épisodes compte la saga Police Academy? Pourquoi tu fais pas la 2? Bah parce qu'il manque la moitié des épisodes. Je ne sais 39. Pas. Non. C'est moi. C'est moi, pardon, excusez-moi. 4. C'est plus. 22. C'est moins. 15. C'est moins. C'est moins. 12. C'est moins. 10. 9. C'est moins. 8. 7. Et la réponse a été dite. 8. Oui, bien joué, Elliot. Quel est le premier film de l'histoire? C'était pas si compliqué à lire. Ah oui, c'est vrai, je suis con. C'est l'arrivée en garde. Non, non. Non. La sortie des bien joué, Elliot. Bien joué. Tu gagnes 6 morbif. Putain, j'ai fait une blague de noob. J'aime pas ça. On avait Pierre le morbif. Pierre est-il là, le marquis? Marquis? Oh, je pense pas. Quel film... Non, c'est à moi, non. Quel film est à donner Raphaël? Citer 3 films des studios. Ils ont toutes les questions, t'es sérieux toi? Mais je l'ai dit avant celui-là. Chaud voilà, le mouton, Chicken voilà, c'est Run, Gromit, et Pirate, voilà, c'est Gromit. Et juste Chicken Run. Méchant. Chicken Run, voilà c'est Gromit, Pirate. Voilà c'est Gromit. Band of Misfits, Pirate. Voilà c'est Gromit. Ou Pirate bon à rien, mauvais en tout. C'est une bonne réponse de l'ami Victor. Bravo. Qui gagne une cacahuète? Quel film a montré pour la première fois des toilettes? Psychose. Bien joué, Mathias. Qui a fait le quiz avec nous? Bah non, ça je le savais, j'ai suivi le cours de DLA, moi, monsieur, l'année dernière. Spoiler. Arrêtez de spoiler. Épeler le nom Benedict Cumberbatch. Ah non. Benedict, voilà. Et le Cumberbatch, c'est U M O M O U. Non, c'est M C R B A T C H. Voyelle. C'est au le compte est bon. C'est consonne. C'est on me dit dans l'oreillette que le running gag dure depuis trop longtemps. Et c'est perdu. C'est Cumberbatch. Et du coup, comment ça s'écrit? Ça s'écrit. Arrête, Mathias. Bah, je m'intéresse. Ça s'écrit bon. C-U-M-B-E-R-B-A-T-A-T-C-H. Pardon. Ça fait Cumberbatch. Tu peux répéter. C-U-M. Mais on va pas rester 3 bon, heures. Bref, sur... tu regardes sur internet. Allez, on a. Quel est le seul personnage de Star Wars à avoir un sabre violet? Mace Windu. Mace Windu. Dédicace. Bravo. Dans la saga Star Wars, combien ont des sabres laser blancs? Zéro. Oui. On a tous gagné. C'était compliqué. Espérance. Tu as gagné 3 hésitations. Tu as gagné 3, je ferai de toi mon essentiel. Ah, là, c'est une question, c'est KOM parce qu'il doit faire une imitation. C'est avec le cinémascope. Qui a dit les cinémascopes ne servent qu'à filmer les serpents? Nagui. T'as le fil rouge de la soirée, quoi. C'est pas possible. C'est pas Orson Welles qui a dit ça? Non. Non. Voilà. C'est raté. Raté. Bah, si vous cherchez pas, vous trouverez jamais. C'est Godard. Presque. C'est pas loin. C'est pas loin. Truffaut. C'est pas loin. T'étais plus près avec Godard. Audiard. Non, vous étiez toujours ça se ressemble. C'est dans un film de Godard. Belmondo. Non. Ouais, non. C'est un réalisateur. Luther. C'est pas celui qui il lui demande ce que c'est que le cinéma, tout ça. Cabrol. Non. Cabrol. C'est Chabrol. Cabrol, ouais, c'est le gars qui fait la météo. Non, on dirait du jargon poids de vin pour dire pour dessiner une chèvre. Ah, c'est la Cabrol. Attrape donc cette Cabrol. Melville. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Jean-Claude Brialy. Non, non, il est allemand. Feuillade. Jean-Claude. Jean-Claude. Il a un œil de verre. Ah, attention, Mathias, il va nous Jean-Marie Le Pen. Merde, j'ai oublié son nom. Les ailes du désir. Non. C'est lui, désir. C'est lui qui l'a dit, c'est les ailes. Non, mais le réalisateur. Il se mangerait bien avec un petit steak. Des frites. Ah putain. Des frites. Il se mangerait bien avec un steak. Voilà. Fritz Lang. Fritz Lang. Fritz Lang de bœuf. Ah mais c'était l'accent allemand. Combien de fois le mot nigger est prononcé dans Django Unchained? Quoi? Combien de fois 22. Le mot nigger? Nigger? 50. Nigger? Zéro. C'était dans Django Unchained de Quentin Tarantino. Zéro. 22. Plus. 50. Plus. En plus. 66. En plus. 139. Plus. 129. Plus. 500. J'ai l'impression moins. De jouer le juste de prix, quoi. 200. 200. Moins. 150. Moins. Plus. Plus. Moins. Ah, moins. Moins. 173. Moins. 142. Moins. 137. 139. Moins. 138. Moins. 120. Moins. 110. Plus. 115. Moins. 114. 113, 112, 111. Il a été dit. Il a été dit. Yes! 112. 112, non. Plus. 111. 113. 113. 114. 114. 114. 113. Bien joué, Mathias. Allez, dans vos gueules. Ouais, je l'ai dit. Ouais, ouais. Non, toi, tu dis les numéros. Toi, tu joues pas. Toi, tu joues au loto. Oh, la violence. J'avoue. C'est à moi, non? Oui. C'est une question sur ta catégorie. Ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta. Une fugue. Comme dirait Mozart. Oh non, c'est Bach, c'est Bach espèce d'idio. Comme dirait Mozart. Comme dirait Mozart. Ah, je me l'appelle. Radio que... classique. Ah, qu'est-ce qui était bien le Rammstein. Quel est le dernier film d'Orson putain de Welles? Le dernier film qu'il a réalisé dans lequel il a joué. Dans lequel il a joué. C'était Transformers le dessin animé. Il jouait qui? Un robot. Unicron. Oh, bien joué. C'est tout pour lui. Je suis choqué. Il joue Unicron et c'était en 1986. Transformers, vraiment? Oui. C'était Transformers. Donc, ah, ça c'est... Alors, dans quel film non porno apparaît Ron Jeremy? C'est qui Ron Jeremy? C'est un très bon acteur porno. Regardez son profil. Il a une tête pas possible. C'est un français, c'est un anglais, c'est quoi? C'est un américain. Il a joué dans il a joué dans. Il a fait figurant dans un film, un vrai film qui a marché. C'est marrant. Du coup, essaye de trouver ce film. Blockbuster, je sais pas, mène sur la piste. Bah, oui, c'est un blockbuster, loin, ouais. En disant blockbuster, ouais. En disant blockbuster, t'étais pas très loin. Ah oh, putain. Pacific Rim. Non. Non. Non, c'est un vieux. Attack the Block. Un vieux. Non, ouais, c'est un vieux. Et c'est américain, fuck yeah. Non, t'étais concentré sur le mauvais terme. Ouais. Sur un Superman. Je suis un hustler. Non. Ghostbusters. Oui, bien joué, Mathias. Ah. Parce que j'ai 6 blockbusters, 6 blocs, ça passe pas, c'est Buster. Mais Mathias, il est intelligent quand il est fatigué. Bah, je réfléchis. Non. Bah. Oh, les deux. Cœur Mathias. On dirait qu'un singe mort essaye de revenir à la vie dans le micro. Aïe aïe aïe. Oh, la tristesse. J'ai l'impression d'être pourquoi avec une partie grasse. On dirait un petit vieux qui rigole. L'empereur, je le pouvoir. Pour le pouvoir. Ah yes. Dans quel film Bruce Willis a joué son propre rôle? Ocean 11. 12. Ah, putain de merde. Mathieu, c'est trop fort. Je la connais celle-ci. Bah oui, c'est vrai qu'on l'a fait avec lui. Il triche en vrai. Ouais, j'avoue, tu triches. Je t'emmerde. Fils de loup. Ocean 12, je le fais avant. Avant. Quel film? Le pire, c'est qu'il a pas vu aujourd'hui. Quel film avait comme. Quel film avait pour slogan, donc sur l'affiche, la tagline du film, c'était N'y allez pas, c'est une merde. Le Grand Bleu. Non. Le Grand Bleu. C'était N'y allez pas, c'est long. C'est dans Nagui. C'était une question cette semaine. C'est dans Nagui. Le Grand Bleu, N'y allez pas, c'est une merde. Oui, bah ça, c'est vrai. Bonjour Luc Besson. Et c'est vrai que la tagline du Seigneur Zano, c'était Cassez-vous les fils de pute. Ta gueule, hé, merde. Oh merde. Ah merde, c'est chaud. Donc je répète la question. Quel film avait pour tagline N'y allez pas, c'est une merde? C'est un film français? C'est un film français, bien sûr. C'est un film qui parle de caca? Non. Non. C'est un film qui était bien ou c'était un jeu de mots avec le titre du film? Est-ce que c'est un film genre avec Thierry Lhermitte? Non. Si, ici, il fait une apparition. C'est un film qui a fait polémique. Non. Est-ce que c'est un film blockbuster? Non. C'est un Ghostbuster. On a dit que c'est un film français. Est-ce que c'est un Dupieux? Non. Est-ce que c'est un vieux film genre des années 90? Non. Est-ce qu'il y a Gérard Jugnot dedans? Oui. C'est un connard. C'est vrai? Sérieux, il y a Jugnot dedans? Il y a Jugnot et l'ermite. Est-ce que c'est les bronzés? Non. Le Père Noël? Le dîner de con. Ah, c'est un truc de sniper un peu. Ah oui. Fun game. Non. Non, français, on t'a dit. Connard. Le jeu du téléphone. Ouais, mais pas sniper, genre des mecs avec des armes, quoi. Ah, c'est sniper gravé dans la roche. Non, ça c'est le rap, ça. Okay. Yo, le rap. Yo, non, le rap. C'est le... Sniper, il y a quelqu'un qui se fait appeler Sniper, et c'est son film. Par un esprit d'escalier, vous arriverez vers lui. Est-ce que c'est un film de Zack Sniper? Moi, je réponds plus, hein. Laurent Baffy. C'était Laurent Baffy, la personne. Les clés de bagnole. Voilà. Ah, vous avez cassé sa question. Et donc, il a été ruiné personnellement, Laurent Baffy, à cause de ce film. Et vous êtes honteux. Depuis, bah, il fait pas grand-chose. Il fait des livres. Dans quel film Squeezie a participé au doublage? T'as pas le droit, Mathias, de parler. Bob l'éponge. Ah, tu sais qui est Squeezie? Dingue. Bah non, parce que je l'ai vu sur l'affiche et je l'ai offerte à Mathias. Dans un certain film, qui émet la théorie que, que Top Gun est un film crypto-gay? Alors, il y a deux choses à dire. Il y a qui... Non, pas le titre du film. Pas le titre du film. Ok, donc c'est juste qui? Tom Cruise. Qui émet la théorie... Mais au lieu de name-dropper des trucs... Essayez de réfléchir. Bah, je réfléchis, je me dis... Ça sur Internet, il y a une théorie à propos de Top Gun qui dit que c'est un film crypto-gay. Qui émet cette théorie? DiCaprio. Non. Gandalf. Le rapport. Non. Il aime pas Top Gun. Il est américain? Oui. Oui. Merci. On le connaît? Oui, on le connaît. C'est un réalisateur? Non, mais c'est un merci sincère parce que toi tu poses des questions au lieu de name dropper des trucs. Je suis à combien de mains de lui? Oui, c'est un réalisateur. Je suis à combien de mains de lui? T'as trois kiwis. Mathias l'a dit. De quoi je l'ai dit? Tu l'as dit. Zack Snyder? Non. Tarantino? Zack Snyder. Voilà. Ah, c'est pas moi, c'est Elliot. Tu gagnes 7 cigares. Tu fais un mais pas des Havanes. Faut pas déconner. T'es cubain ou... Non. Dans Mad Max Fury Road. De George Miller. Le frère de Frock. Le. Et le cousin Gérard. De Gérard Miller. Combien de. Tu veux partager un croissant? Je veux bien. Combien de canons 5D ont été détruits? 5. Plus. Bien plus. 10. Plus. 22. Plus. 13. Plus. Bah, je vais prendre le plus que 22. Oui. 50. Plus. 100. Plus. 200. Moins. 150. Moins. Il y a que moi qui vais faire le quiz ou... 134. Plus. 137. Plus. 140. Plus. 143. Oui. Oh, elle a fait courageuse. Il y avait une chance sur 9. Hein. N'oubliez pas Rémi Magic bientôt. Ouais. À refaire des blagues mathématiques. Pour réélever le niveau. Niveau qui est... Vous savez ce que c'est un... Putain, j'avais dire la blague. Vous savez, c'est qui les mecs qui font des maths et qui sont d'extrême gauche? Non. C'est des cocosinus. J'ai honte. Merci. C'est nul. Prochaine question. Quel personnage historique, Christophe Lambert, a-t-il incarné? Ludovic Ghirandolfo. Non. Comment? Vercingétorix, exactement. Le druide roi. Le droit ruide. Le... Ça se prononce droïde. Droïde. Ça se prononce droïde. Les arnottes de droit ruide. We are looking for. Le droit ruide. Quel est le titre de... C'est pas possible. Quel est le titre de la parodie porno du Père Noël est une ordure? Le Père Noël est une turlute. Non. Le Père Noël. C'est pas Victor faire des blagues. Le Père Noël a le fut dur. On n'est pas, pas loin. On est-ce pas que loin. Ça finit comme le ça? Le Père Noël a la bite dure. Le Père Noël en a une dure. Le Père Noël en a une dure. Bien joué. Capsuleman. Bravo. Le vrai ou faux? Ah, je l'ai choisi pas parce qu'on les a fait. Papa Noël. Arrête, Victor. Alors, t'allais m'accuser. C'est honteux. Vrai ou faux? Bryan Cranston, donc le père de Malcolm, a joué un méchant dans les Power Rangers. Vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est moi, vrai. Je que c'est vrai. Il a joué un méchant dans les Power Rangers. Laisse-le un petit temps de latence. Oh non, mais... C'est bien le temps de latence, il est là au moins. Ouais, mais ça c'est. Ah, on fait une fois un vrai fou, une fois une question. Mais non, il est con. Ouais, c'est vrai. Oh là, c'est mais vous savez, grave. Attends, juste pour vous dire la petite anecdote, on change de rire toutes les deux semaines. Ah ouais? Oui. Oui. J'ai lu ça, je suis plus sur le sur le Garofi. J'ai lu ça sur Combini. Le Garofi. Le Garofi. Le Garofi. Le Zinoka. Le Zinoka, man. Pixar appartenait en partie à Steve Jobs. Faux. Non. Vrai, ça doit être improbable. C'est trop improbable pour que faux, ce soit vrai. Faux, faux. Pour que ce soit faux. Concertez-vous. C'est vrai. Concertez-vous. C'est faux. On se concerte, c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai, c'est trop improbable pour que ce soit faux. Je pars de ce principe-là. Ouais, mais ils vont prendre que des Steve trucs improbables. Le mec qui a inventé... Apple, oui, oui. Windows. Non, Apple. Apple ou Windows? Apple. Apple. Alors, oui, Windows. Si, ça lui appartenait en partie. Bah, c'est Windows. Arrête, arrête, arrête. Et après, non. On a la partie grince, quoi. Putain. On va couper son micro. Alors, vrai ou faux? Vrai, il faut. Tous les ordinateurs pour qu'ils commencent à travailler, mais. Moi, je dis vrai. Quand même. On fait une team Mathias, vrai. Bon, à main levée, qui dit vrai? Vrai. Qui dit faux? C'était vrai. Allez, dans vos gueules. Ah merde. Tu veux quel chaud pour partager un croissant? Moi non, mais allez-y. J'en ai pas une. Ah, vous savez pas les réponses. Mais prends-en pour vous. Vrai ou faux? Rowan Atkinson, l'interprète de Mr Bean, est diplômé de l'université d'Oxford. Vrai. Vrai. C'est vrai. Et après, fort. Il a fait des rasoirs. C'est quoi un rasoir? Mais les rasoirs. Un truc pour se raser. Ah oui, je pensais que c'était un terme pour dire un truc précis. Il est plus. Ce jeu de mots est tombé dans l'oubli. Je suis très content. Omar Sy est champion régional de VTT. Vrai. Faux, faux, faux, faux. Faux. Arrêtez. Ah ouais, Omar, il galope. Non, mais il est sportif, hein. Il est sportif, hein. T'inquiète pas. Il est sur des Raptors, hein. Merci. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça ressemble à une autre. Non, mais c'est le même. De la Passion du Christ. Mel Gibson. Non. Un, donc lors du tournage de la scène où Jésus s'est fait crucifier, le mec qui jouait Jésus, il a fait paratonnerre et il s'est fait frapper par la foudre. Vrai ou faux? Vrai. Non, c'est trop énorme. Ah bah arrêtez, chiant. Bah non, il serait mort sinon. Bah ouais, Mel Gibson, il serait mort. Réfléchissez collectif. Non, c'est un crucifié. C'est pas Jésus. C'est un des crucifiés. Non, c'est pas Mel Gibson. Donc c'est pas Mel Gibson, je dis oui, du coup. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est possible, du coup. Réfléchissez en équipe. C'est vrai, qui est vrai? Le jeune homme. Ouais, vrai. Faux. Et bah c'était... Vrai. Vrai. Et on peut développer après ou c'est juste... Non, il s'est juste fait frapper par la foudre et après il est allé très bien. Ok. Juste un peu cuit, bon. Mais sinon ça va. On envoie des bisous à sa femme, hein, celui-là. Scarlett Johansson ne devait pas être la voix de l'OS dans Her. Si. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Bah, ils ont fait le tournage, c'était pas elle qui faisait qui lui répondait, mais sinon, elle a enregistré sa voix après le tournage du film. Non, je pense pas. Non, c'était elle. Ils avaient besoin de la voix. Je pense qu'il l'avait choisi juste de base pour ça. Ouais. Pour sa voix un peu cassée. Ouais, moi je suis d'accord avec tout le monde. Du coup, c'est faux. C'est pour ce qu'elle inspire quand même, parce qu'on peut pas s'empêcher de l'imaginer. Alors, si vous dites vrai, c'est qu'elle ne devait pas être la voix originale. Et si vous dites faux, c'est elle devait être la voix. Faux. Non, c'était vrai. Et bim, on écoute jamais. Et bim. Et c'était qui du coup au départ? Je sais plus le nom de l'actrice, mais. C'était José Garcia. Au début, ils ont... c'était Vincent Maggie. McDoom. Vincent McDoom, pour le pavé de tout à l'heure, faut y penser. Oui. Merci Mathias. De rien, c'était pour. Pascal Olmeta. Son comparse. Evangeli. Ouais. Allez, toute la ferme célébrité, elle y passe là. Vendetta. Amadou et Mariam. Voilà, c'est fait. Allez, on continue. C'était pas elle qui devait être à la base. Ils ont fait un premier test avec une autre actrice et ensuite ils se sont rendus compte que ça allait pas et ils sont allés voir Scarlett Johansson. Qui a magnifiquement interprété ce rôle. Tiens, Raphaël. Merci, Kevin. Charlie Sheen joue dans La Folle Journée de Ferris Bueller de John Hughes. Vrai ou faux? Vrai. Qui a vu La Folle Journée de Ferris Bueller? Mathias, pourquoi tu permets de répondre alors? Parce que tu n'as pas vu le film. Il y a une chance sur deux. Du coup, je choisis vrai. Je trouve que son nom. C'était vrai. Son nom sonnait bien avec le film. C'est tout. Laurent Ruquier a un petit rôle dans La Cage aux Folles. Vrai. C'est faux. Non, c'est possible. Ah, il est pédé comme un phoque. Hein. Wow. Moi, je suis d'accord avec Mathias. Non. On traite pas Laurent. Il va s'en aller. Tu dis pas du mal de Laurent. Pardon Laurent Ruquier, pardon Kawan. Okay. Mais c'est pas par rapport à Laurent Ruquier, c'est juste que c'est homophobe et je vois pas pourquoi tu t'amènes ça maintenant. Je suis désolé, c'est pas le fait qu'on soit fatigué pour que ce soit une excuse. Non, t'as pas à dire des choses comme ça. Pardon à tout le monde. Voilà. Le monde entier. Je vous excuse. Non, mais c'est pas marrant. Il y a des gens qui souffrent de ça, c'est pas marrant. C'est tout. Bon, continue. C'était faux. Je suis un peu dégueu. Oliver Stone, donc le mec qui a fait JFK, a écrit le scénario de Scarface. Vrai ou faux? Faux. Elles sont fous parce qu'elles connaissent personne. Si, je connais Scarface. C'est qui Scarface? J'ai bien rigolé sur ce film. Il est lourd. Oui, c'est cette version-là. Non, moi je dirais que c'est faux. Moi aussi je dis que c'est faux. Je suis d'accord avec Victor. C'était vrai. C'était vrai. Ah, mais merde. T'as le duo loser. Ils sont des petites tables de points, là. Est-ce qu'on voit José Bové dans Tout seul Arzac? Non. Ouh. On voit José Bové dans Tout seul Arzac. Oui. Oui, oui, oui. Vrai. Oui. Ah, attends. La sécurité. Là, j'ai doute, du coup. Bah, moi, je pense qu'on voit sa moustache et il se cache derrière. Du coup, il est là physiquement, mais on le voit pas vraiment. Non, mais d'être à la télé ou quoi, tu vois. Tu vois. Oh putain. Mais c'est pas facile, s'il a fait un truc au Larzac que tout de suite il serait dedans. Tu vois. Tu vois. Tu vois ou pas? Est-ce que tu vois? C'était vrai. Ah, c'était on vrai. Voit, et il a un rôle récurrent et important ah ouais dans le film. Il fait quoi comme rôle? Il joue le père de Sylvie. Non, il joue son propre rôle. Ah, il joue son propre rôle. Oui, ouais, bah, d'accord. Okay. Attends. À moi. Le quiz le plus long du monde. C'est le plus fun aussi. Il existe un Karate Kid 5 avec une fille. Vrai ou faux? Vrai. Karate Kid 4. Vrai. Vrai, vrai, vrai. Vous êtes sûr? Oui. C'est en équipe. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, ça ne peut qu'exister. Oui, mais c'est vrai. C'est un direct ou DVD, je suppose. Ouais, c'est Miss Karate Kid. Oh là là. Ça existe. Et c'est bien? Bah, comme tous les autres Karate Kid, il y a des bonsaïs. Et Maître Miyagi. Et Maître Miyagi, c'est, ça, le c'est les deux fils conducteurs de la saga. Oh merde. Oh oui. Kev Adams, dans sa jeunesse. Mathias, tu peux pas répondre. A fait de la figuration dans Les choristes. J'ai cherché pour ça. Mais non. Mais oui. Je ne réponds pas. Je dis non. Faux. Faux. Faux. Faux. C'était pour mon esprit de contradiction. Mais il a été figurant dans LOL. Voilà, je l'annonce. Mais c'était faux, il a joué dans LOL, mais pas dans les choristes. Je pense qu'il était un peu trop jeune. Au cœur de la nuit. Peut-être trop vieux pour les choristes. Ouais, peut-être trop vieux. Trop vieux. Non, c'est pas grave. Il a quel âge, Jean-Baptiste machin? On s'en fout. On s'en fout. Ouais, c'est hyper important. Les studios, ceux que Mathias appelle les studios Ghibli, les studios Ghibli. Ghibli. Ghibli. Ont réalisé une pub pour les serviettes hygiéniques Kiruga. Que ou Kiruga. Vrai ou faux? Vrai, vrai, vrai. Bah, vrai. Vrai. Je trouve ça un peu gros, mais je sais pas du tout. Non, c'est vrai. Parce que maintenant, je doute. Sylvester Stallone. J'ai pas mis de c'est pas ma guerre. Vrai ou faux? Vrai. Tout le monde vrai là? Tout le monde est dans le moi, ça me paraît. T'es trop fou. C'est pas possible. Il est chiant. Je l'aime bien. Est-ce que je peux dire faux? Et est-ce que vous me reniez de l'équipe ou pas? Du coup. Non. Non. Et bah, il a eu raison parce que c'était faux. Allez, bim, dans vos yeux. J'ai mis tout le monde. T'as induit tout le monde en erreur. Ah oui. Dans vos gueules, mais je vous aime quand même. Ça vous The Thing de Carpenter est un film à 100% masculin. Aucun technicien, aucun acteur. Il n'y a pas de technicienne, il n'y a pas d'actrice, pas de maquilleuse, pas de script girl. Dans le générique, c'est que des hommes. Vrai, vrai. Ou faux? Vrai. Est-ce qu'il y en a un qui s'appelait Dominique? Dominique Bonnet. Non. Du coup, on n'est pas sûr. Vrai. C'est pour un jeu de mots? C'est pour faire Dominique The Thing? Parce que j'ai pas compris. Mais non, parce que Dominique, c'est un prénom misc. Ah, c'est un prénom misc. Tout s'explique. C'est comme tu as un cax sur les oreilles. Ouais. Putain, je vais dire le vrai mot. Je suis con. Donc tout le monde est. C'est quoi votre réponse? Tout le monde est chaud. Moi, je dis faux. C'était vrai. C'était vrai. Ah, c'était vrai. Je trouve ça dégueulasse. Je vraiment regarderai le film, là. Ah, yes. Je crois qu'on a tout fait. Sinon, un cascadeur s'est blessé sur le tournage d'Hélène et les garçons. Vrai. Vrai. Un vrai. Et quand ils se battent là, avec des gourdins, je suis sûr qu'il y en a un. Avec des gourdins. C'est gourdin. C'est faux. C'est faux, bien évidemment. Ils sont pas blessés sur cette scène? Bah non. Il y a pas de cascadeur dans Hélène et les garçons. Bah, je sais pas, c'était possible. C'est Hervé, tu vois, la sœur de. La sœur. Hervé, la sœur. La sœur du mec qui fait la lumière. Et la dernière partie de notre jeu, c'est la fête du slip. C'est, on va vous dire des titres de films Et il faut, faut nous répondre si c'est, si c'est un titre qui existe ou si c'est un film qui existe ou si c'est un film qu'on a inventé nous. Exemple, comment les Chinois ont sauvé Noël. C'est faux, c'était pas un vrai titre. Si, c'est vrai. Si, si moi j'y crois. Moi aussi, pour moi il existe ce film. Donc. Mais non, c'est nous qui l'avons inventé. C'est dommage. Je propose qu'on le fasse maintenant. En fait. Oui, maintenant. Ouais. On est chaud ou pas? Ouais. C'est parti. On peut terminer ça que j'allais me coucher. Les gens. Oh, petit jeu. Bouah. Allez, vas-y. Allez. Commence. Ma femme s'appelle Maurice. Faux. Non, mais c'est un vrai film, ça. Non. Mais enfin, t'as jamais vu Ma femme s'appelle Maurice? Non. Avec Chevalier Espelette. La Matimute. Elle assure. Avec Pimon d'Espelette et Chevalier. Je vais pas faire la Spalès. Bah, Jess, il a un peu des traits de la Spalès, je trouve. Ah ouais. Trop, tu vois, dans le regard bovin. Nya, nya, nya. Nya, nya. Oui, c'est un vrai film. Ma femme s'appelle Maurice. Bah oui. Mais je crois qu'il y en a eu deux, même. Non. Il n'y en a pas eu deux. Ah si, ça existe. Faux. Eh bien, si, c'est une pièce de théâtre. Alors, il y en a. Alors, prochain titre, c'est. J'ai pas trouvé la porte d'entrée, du coup, je suis passé par derrière. Faux. Ce film n'existe absolument pas. C'est peut-être un film X, vous savez pas. Ah ouais. J'étais sûr qu'on allait un qui allait faire la blague. Un. Bah, c'est peut-être pas une blague, c'est peut-être vrai, tu vois. Non, c'est faux. C'est faux. Bah oui, c'est faux. Prochain titre de film, tout de suite. Castagne à Montbéliard. Ah, vrai. Montbéliard, je vous rappelle que c'est une petite ville. C'est sûr qu'on a cherché, on a cherché les films aussi en VHS ou les films qui n'étaient pas connus. Ouais, ouais, un petit téléfilm. Montbéliard. Ouais, Castagne à Montbéliard. Faux. C'est complètement vrai. Moi, ça me parle. Quand je dis y a quelque chose à faire. Elliot ? Non, c'est faux, c'est faux. Ouais. Je dis faux. Faux, ouais. Eh bien, c'était faux. Vous avez su démêler. Vous êtes des vrais enquêteurs, dis donc. T'as même pas laissé Elliot parler, quoi. Il a dit fait pas faux. Il a dit fuck le vizir. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. On t'a pas vu sortir. Bon, bah, comme l'autre c'était faux, bah, je propose que ça soit faux aussi. Aussi c'est pour induire en erreur. Ah, moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux d'elle, d'ailleurs. Ah, oh, mais arrête avec l'humour. Mathias. Je dis faux, moi. Jacques. Moi, je dis faux aussi. Et Elliot. Faux. Foresti. Faudel vient d'être fait, arrêtez. Je vais pas répondre. Bon, la réponse, c'est que c'est un vrai film. C'est un vrai film. Ouais, j'avais raison. Ouais. Mmh. Faux cul. Oh putain. Quand il le fait. Oh putain. Oh, putain. Il est agaçant. La personne inaudible. Pépé et Barjabul. Faux. Ah, oh, si, si, vrai, vrai. Faux. Forêt. Arrête. Tu dis encore une fois ça, t'es viré. T'es viré du jeu. Ouais. Et non, c'est faux. Mais faudrait l'inventer parce que Pépé et Barjabul, c'est vachement cool comme. Faudrait. Vas-y, casse tout. Viens frapper sur mes bongos. Ça, je pense que c'est un film des années 80-90. Donc, je dis vrai. Mais, un film de cul, c'est pour ça. Oui, je dis vrai. Non, c'est complètement faux. Moi, je dis vrai. Je suis sûr que c'est un truc genre Tintin au Congo. Quoi. Faux. Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est un truc de Tintin au Congo. Je sais pas. C'est le même style de. Ouais, un vieux film raciste. Ouais. Ouais. Je pense, ouais. Eh ben non, c'était faux. C'est complètement faux. Ah oui, vous êtes trop con. Comment t'insultes tes gens de façon totalement gratuite, c'est honteux. Titanic 2. Vrai. Vrai. Vrai. Facile. Réponse collégiale, là, c'est direct. Collégiale. Ça veut pas dire que vous êtes au collège. Ah, ok. Aucune idée. Marché aux fleurs carnivores. Faux. Oh, on dirait un titre de nanar, genre Piranha, quoi. Piranageoire. Piranageoire. Ah, c'est le. Là, pardon, j'ai dit un autre type de film, mais le film là, c'est Marché aux fleurs carnivores. Vrai ou faux? Faux. Faux. Mais je sais pas. Vrai. J'ai aucun avis. Faux. Je dis vrai. Vrai. C'était faux. Faux. C'est tout pour moi. Personne n'a dit fauve. Oh. Je suis un peu triste. Quelqu'un a dit fauve? Ah, non. Du coup, il y a un peu de place qui se libère, ça me fait plaisir. Du coup, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé parce que je suis allé dormir et j'ai pas tout suivi. C'était marrant. Est-ce que Victor, il a fait son heure du rap un peu nul? Il l'a fait tout seul. C'est vrai? Bah ouais, parce qu'il a monopolisé la parole, il a mis des zics et tout. Non, c'était cool, on aurait dit de la radio, c'était sympa. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. C'était une heure un peu calme, c'était sympa. C'était Zeppo et Nicotin. Et après, je sais plus ce qu'on a eu du coup. On a fait quoi après? Merci. Ah, ben après, on a fait le pavé chelou, non, là, avec leur traumatisme. Leur traumatisme. Et après, ouais, le pavé chelou. Et là, on vient de faire là, le. Tu veux prendre la place de Kawan? Bah, pas spécialement. Et du coup, là, ça serait. On est en retard sur la matinale. On est en retard sur la matinale, du et coup. On est en retard. Ok, la matinale. Est-ce que tu veux lancer la matinale? La matinale, moi, je suis très très chaud. Est-ce que tu veux venir faire les sons ou moi, tu veux je suis chaud. Je suis chaud. Les sons. Attends, est-ce que tu veux qu'on échange de micro pour que je mette la musique, Lina? Ouais. Yo. Vous êtes bien sur antenne. Je quitte le game.